Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Évidemment, sur cette bombe de mardi, on a parlé avec Cassandra Bradette, vous avez entendu également Marianne Saint-Gelin, mais il y a une autre, l'acteur principal, Samuel Girard, était de passage sur les ondes de CKJ hier pour expliquer sa décision avec Michel Thifault et Dominique Bauduc dans l'émission d'Investir. On écoute cette entrevue. De la retraite de Samuel Girard et de Cassandra Bradette vendredi en fin d'après-midi. On a le principal intéressé avec nous au téléphone, Samuel Girard, bonjour. Bonjour. Ils ont fait un top 10 aujourd'hui, au réseau des sports, des 10 retraites les plus inattendues. Et Samuel Girard et Cassandra Bradette font partie de ce top 10 des retraites les plus inattendues en raison de votre âge. Vous êtes très, très jeune et vous êtes au top de votre succès au niveau de la carrière. Ma première question, Samuel, ta réflexion a commencé quand? La réflexion a commencé sérieusement, je dirais, en Italie, dans la dernière Coupe du Monde avant de cette année. Je dirais dans les alentours du mois de février. C'est vraiment là que je traînais quelque chose depuis la fin des Olympiques, depuis le début de la saison passée. Là, je traînais un petit questionnement à savoir si je voulais encore continuer, si j'étais encore là-dedans, tout ça. Puis le monde me disait beaucoup c'est le blues post-olympique. Puis finalement, vraiment en Italie, c'est là que je me suis posé la question. J'ai dit, comme ça fait presque un an, puis j'ai encore le même questionnement, le même sentiment qui n'est pas comblé. Puis vraiment, c'est plus dans le. Au championnat du monde, dans ces eaux-là, que le questionnement a vraiment commencé fort quand je me suis emmené ici au Saint-Denis. Vous avez pris la décision à deux. C'est vraiment une décision de couple, Cassandra et toi. Est-ce que vous étiez unanime là, au départ ou si à un moment donné, il y en a un ou une qui voulait continuer? Ça a été une décision de chacun de notre côté. Vraiment, moi, j'ai fait ma réflexion. Cassandra a fait sa réflexion. Ça la donne, on l'a annoncé en même temps, mais c'est vraiment, moi, je suis arrivé en premier à Cassandra, puis j'ai annoncé ma retraite. Puis, par réflexion, si je me posais beaucoup de questions, puis je suis arrivé un jour, puis j'ai dit, OK, c'est officiel, je prends ma retraite. Elle n'avait pas décidé encore, elle avait plus de recul aussi versus à sa carrière. Puis elle a décidé de vraiment prendre du temps pour elle, prendre la hauteur un peu sur la situation. Puis, quand elle s'est rendu compte que elle m'a vu un peu aussi être heureux, être libre, être un peu enlever du poids sur les épaules. Je pense que ça lui a donné un peu une petite vision de comment elle pourrait se sentir, puis de comprendre pourquoi elle se sentait comme ça. Puis finalement, ça l'a éclairé, puis elle a décidé aussi de prendre sa retraite. Samuel, pourquoi mettre une croix sur une si belle carrière à seulement 22 ans? Moi, c'est ça qui me surprend. C'est l'âge, le 22 ans au top de ta carrière. Moi, je le vois pas comme une question d'âge, mais par une question d'étape. Il y en a qui vont atteindre les Olympiques une fois dans leur vie à 28 ou 30 ans. Il y a 30 ans, il y en a qui vont l'atteindre à 21 ans. Il y en a qui vont avoir des médailles seulement un petit peu plus vieux. Mais de mon côté, j'ai eu la chance de le faire en l'espace de 5 ans, peut-être 10 ans. Pourquoi pas passer à autre chose maintenant? J'ai la chance de le faire, de l'avoir fait rapidement. J'ai plein d'autres buts dans la vie. Pourquoi pas en profiter maintenant? Ça ne sera pas rendu, je pense, à mon avis, ça ne sera pas rendu à 30 ou 35 ans. Que si je veux me partir à une compagnie, rendu à 40 ans, me semble que c'est un peu tard. Puis j'ai plein d'autres choses à faire. Puis pour moi, le patin est une étape de ma vie. Puis après ça, j'ai accompli mes propres buts personnels à moi. Après ça, même si j'ai du talent ou non, je vais avoir d'autres talents ailleurs. Tu as gagné une médaille d'or au niveau international. Si tu ne l'avais pas gagné, cette médaille d'or-là, Samuel, est-ce que tu aurais quand même pris la décision d'arrêter? Probablement que oui, parce que mon objectif était vraiment de participer aux Olympiques. La médaille n'était pas nécessairement l'objectif de carrière. Donc, vraiment, d'avoir participé aux Olympiques, moi, était vraiment mon but. Probablement qu'après avoir... j'aurais eu probablement le même sentiment. C'est pas par rapport à parce que j'ai gagné une médaille que j'arrête. Oui, ça l'ajoute à la décision, ça pèse dans la balance, mais c'est vraiment le fait des mises de côté, vraiment des choses que j'ai sacrifiées pendant toutes les dernières années qui a fait en sorte que j'étais tanné de ça, qui a fait en sorte que j'ai pris ma retraite. Donc, c'est pas la médaille qui fait en sorte que j'arrête. Alors, t'as quand même atteint tes objectifs avec une médaille d'or, mais t'avais complètement perdu la flamme. Ben la flamme, je dirais que la flamme du papin est toujours là, puis je voulais justement pas la perdre, parce que pour moi, c'est important d'aimer son sport, puis je l'adore encore. J'aimais juste plus être, je l'aimais plus en tant qu'athlète. Là, présentement, j'ai le goût de redonner au sport, de faire différemment un peu. Je voulais pas me rendre à justement perdre la flamme. Il y en a beaucoup d'athlètes qui vont se rendre jusque-là à perdre la flamme de leur sport, puis c'est triste parce que tu vas avoir des grosses icônes du sport puis qui vont seulement disparaître puis que tu ne te reverras pas, puis ils n'auront pas la chance de redonner leur sport parce que on va les avoir brûlés, on va les avoir tannés ce sport-là. À mon avis, moi, je voulais pas me rendre là, puis je pense que je trouve que c'est une décision pour moi qui était la meilleure pour justement pouvoir continuer à redonner ce sport-là puis toujours aimer ce sport-là. J'ai fait un commentaire au début de l'émission, Samuel, disant que pour les athlètes amateurs, peu importe la discipline, que ce soit le judo, le patinage de vitesse ou autre, c'est très rigide, l'horaire pour les athlètes, c'est très exigeant. Puis je faisais le parallèle entre les deux Samuel Girard. Un qui est amateur, c'est toi, et l'autre Samuel Girard qui joue au hockey dans la Ligue nationale, qui gagne actuellement 700 000 par année, puis son prochain contrat, ça va être 2, 3, 4 millions. Et là, je me disais, les deux Samuel Girard font les mêmes efforts. Samuel Girard au hockey, il pratique à tous les jours. C'est pas évident jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais Samuel Girard, le patineur de vitesse, lui aussi, il pratique à tous les jours. Il fait des voyages, mais il n'y a pas de 50, 60 000 piastres par semaine comme un joueur de hockey professionnel. Et tu l'as mentionné lors de ta conférence de presse, Samuel, c'est exigeant. Vous avez peu de vacances, peu de divertissement. D'après toi, les fédérations de patinage, que ce soit patinage ou autre sport, les fédérations devront-ils faire un examen de conscience pour donner un meilleur encadrement à leurs athlètes? C'est sûr qu'ils vont. Je pense qu'ils vont devoir revisiter un peu tout le programme du sport, voir un peu comment est-ce que c'est fait. Mais pour clarifier quelque chose, à la base, on s'entend que les joueurs de hockey, quand ils finissent leur saison, s'ils font les séries ou ils font pas les séries, on s'entend qu'il y a une couple de mois avant de retomber à l'entraînement puis de se replacer. Nous, ce qu'on a, on a à peu près 2 semaines et demie de congé. Là, il y a une bonne différence. Ouais, ouais. D'avoir un 3-4 mois pour pouvoir se remettre puis de pouvoir aller retourner dans ton monde puis faire ce que t'aimes, en plus avec de l'argent pour pouvoir le faire, ben, ça facilite beaucoup les choses. De l'autre côté, je pense que ce côté-là, on l'a pas. On le fait parce qu'on aime ça. Puis si on veut rester au top, parce que ça se fait comme ça partout dans le monde, puis à mon avis, je pense qu'il y aurait matière à changement. Mais l'entraînement est tellement rigoureux. On a 3 semaines, on recommence, on finit mi-mars, puis on commence début avril. Puis je pense que si les fédérations veulent garder leur monde, veulent justement s'assurer une bonne relève, puis qu'on s'assure aussi une longévité dans la profondeur de l'équipe, ben il va falloir qu'il y ait un petit peu de souplesse, puis un petit peu plus d'écoute aussi envers les athlètes. Qu'est-ce qu'ils ont besoin et non de se fier à un plan. Puis si tu n'embarques pas dans le moule, si tu n'embarques pas dans le plan, ben tout bad, on passe à un autre. Mais beaucoup plus de, on prend un plan de base puis on l'ajuste à chaque personne qui rentre sur l'équipe. Un athlète amateur doit penser aussi à son après-carrière, que ce soit, dans ton cas, c'est 22, mais que ce soit à 25 ou 30 ans. Puis 30 ans, ça commence à être vieux, surtout si t'as pas réussi à faire les études que tu voulais. Puis, tu sais, je fais souvent le parallèle avec le sport professionnel. Les autres, à 30 ans, souvent sont riches, là, avec les salaires qui se donnent aujourd'hui. Alors, pas évident pour un athlète amateur de terminer une carrière, peu importe l'âge, là. Mais imagine-toi, les Charles Hamelin. Charles Hamelin, il a arrêté à quel âge, lui? Une trentaine d'années. Hein? Charles, il patine encore. Il patine encore. Il a même pas fini. Il a quel âge, Charles, lui? Là, il a 35 ans. Il a 35 ans. Imagine-toi, là, lui, quand il va arrêter sa carrière, là, il va faire quoi? Et c'est sûr, il peut aller dans les relations publiques. Il y a des jobs de même. Mais tu sais, regarde Marianne Saint-Gelin. Elle a arrêté pour l'instant. Elle travaille peut-être un peu dans les médias, là, mais c'est pas évident de se trouver des jobs. C'est pas évident, puis... Je pense que c'est justement une planification aussi. Je pense que la structure a un peu changé aussi. Les coachs sont encore un peu des fois rigides sur le point de l'école. Souvent, c'est la vieille mentalité que tu dédies 100% ton sport et que tu ne fais pas autre chose. Mais la différence, c'est que dans le temps, il arrêtait à 22, 23, 24 ans. Alors, c'était plus facile après ça de pouvoir tomber dans les études puis de finir tes études. Là, maintenant, le moyen d'une carrière va finir vers 28, 29, 30 ans, un bon athlète. Fait qu'à 30 ans, tomber pour 4, 5 ou 6 ans d'études, tu sors pas de l'école avant 36 ans. Des fois, c'est difficile. T'as pas l'argent nécessaire pour pouvoir, pouvoir supporter ces études-là. Puis après ça, souvent, à un certain âge, tu deviens qu'avec des enfants, une famille, des obligations. Donc, ça devient difficile au bout de la ligne. Puis moi, je voulais pas me retrouver dans cette situation-là. Donc, ça fait partie aussi un peu de tout ça. Alors, ma prochaine question fait suite à un peu ce qu'on se dit. C'est quoi le futur de Samuel Girard? Le futur de Samuel Girard, c'est de revenir dans la région pour commencer. Se rétablir ici. Puis après ça, pour la prochaine été, ça va être vraiment de travailler dans le domaine que je veux faire, dans la construction. Donc, en apprendre un peu avec mon beau-père, le père de Cassandra, qui travaille là-dedans, en bonheur général. Puis après ça, pour cet hiver, vraiment aller faire mon cours en charpentier-menuisier ici à Jonquière. Puis vraiment après ça, démarrer une vie normale, un peu là, travailler le jour vendredi, puis d'en profiter le samedi. Si jamais tu veux, admettons là, que les fédérations ajusteraient leur tir un peu, puis ils seraient un petit peu moins rigides envers les athlètes, si jamais tu voulais effectuer un retour à la compétition dans un an, deux ou trois ans, est-ce que ça pourrait être compliqué pour Samuel Girard? On a pour parler aussi avec le Patinage du Canada, comme quoi que si jamais il y avait une possibilité d'ici un an, est-ce que je voulais revenir, il y avait une porte ouverte. Rendu là, je pense pas que c'est un changement au niveau de... Je pense que le mal est fait, il est trop tard. C'est sûr que pour les prochains, à mon avis, il faut que ça se fasse, mais pour les prochains, ça va être bénéfique. De mon côté, je pense que, comme je l'ai dit, il est trop tard, puis que ça ne changera pas grand-chose, mais les chances de retour sont très faibles. Quand tu vas regarder les prochains Jeux olympiques d'hiver, Samuel, crains-tu regretter ta décision? Non, je ne pensais pas la regretter. Je pense plus que je vais être un supporter en arrière de l'équipe. Puis c'est sûr que l'expérience olympique, c'est quelque chose qui est incroyable. Mais j'ai un coup assis devant la TV et me dire bon, il y a à peu près trois ans qui va s'avoir découlé d'aujourd'hui aux Olympiques, puis de me dire tous les sacrifices toutes les choses que j'ai faites que j'aurais pas pu faire, je pense que ça va être la réponse à ma question. À me dire est-ce que j'aurais voulu être là? La réponse aurait été bien simple. Je suis vraiment mieux où est-ce que je suis là parce que je vais avoir fait ce que j'aime, puis je vais m'avoir écouté au lieu d'avoir continué seulement parce que j'avais du talent. Est-ce que tu accroches tes patins complètement ou bien si tu vas te garder une paire de patins pour aller au Centre d'excellence Marc Gagnon pour encourager les jeunes dans leur discipline? Ah, c'est sûr que je garde mes paires de patins puis des skins. Parce que peut-être que je vais rembarquer sur la glace pour patiner avec les jeunes. Puis les chances sont très, très élevées parce que j'aime ça encore patiner. Je veux juste plus m'entraîner comme un athlète amateur à 100%, dédié à 100%, parce que moi, c'est 100% ou c'est pas du tout. Donc, c'est vraiment, je fais pas de mesure. Puis, mais c'est sûr que je garde mes patins. Puis, je vais retourner voir les clubs de la baie, le Centre Margagnon. Puis, on est déjà en train de planifier, pas pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, une genre de tournée un peu dans les clubs pour, justement, aller dans surtout dans les clubs éloignés, ceux qui ont moins la chance d'avoir d'athlètes nationaux ou d'athlètes olympiens, de vraiment de se rendre dans ces clubs-là, puis de attiser une flamme d'un futur olympien pour les prochains Olympiques. Et coacher? Peut-être. C'est sûr que ça risque d'être un peu plus difficile dans les prochaines années avec le travail, avec les études surtout. Mais c'est sûr que je ferme pas la porte. Probablement que deux fois semaine au Centre Margagnon ou même dans les clubs, aller faire des tours, va sûrement être possible. Mais c'est ça. Pour le moment, on va en profiter. Puis après ça, on va être prêt pour justement redonner. Tu vas demeurer à Ferland et Boileau, tout près des lacs, tout près des rivières, pour pratiquer deux disciplines, deux sports, qu'à Montréal, c'est plus compliqué parce que t'es loin des rivières, t'es loin des plans d'eau, tu vas pouvoir chasser et pêcher à ton goût, là. Oui, exactement. On est en train justement on marchait sur notre terrain tantôt, puis on est en train de regarder tout ça, planifier un peu où est-ce que la maison va se situer, puis si on regarde à côté, c'est seulement une forêt vierge, donc on est vraiment dans la nature, puis c'est vraiment ça qu'on voulait, ce qui nous manquait, puis ça fait du bien de revenir aux sources. Samuel Girard, merci de nous avoir parlé. On te souhaite une deuxième belle carrière. Même chose pour Cassandra, qu'on pourra entendre tantôt. Là. On pourra entendre ses commentaires d'ici la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre plein d'émotions parce que quand vient le temps des championnats du monde et des Jeux olympiques, on est toujours fiers de voir nos athlètes de la région performer. Et surtout, depuis des années, le patinage de vitesse, on a toujours eu de très, très bons représentants dans la région du Saguenay du Lac-Saint-Jean, et t'en fais partie. Samuel Girard, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Samuel Girard, athlète olympique, qui a annoncé sa retraite vendredi en fin d'après-midi.